este. Este. Este. Fric et fusil. Este. Este. Fric et fusil. Este. Fric et fusil. Encore un truc gold. Le mic gère fort. Délivre un pôle. Manifeste. Enfoiré, t'as peur, hein? J'performe, t'as foiré. J'manie les faits depuis le décorum. Muni d'une taille de rhum, j'reste ferme. Apprécie ta défaite, tel un homme. Ça déferle, j'ai la pression. En effet, comment te défaire? Tes faits sont communs, trop de fin, connard, tu fais. Gars, je sais, j'suis tout frêle sur la FM. Les connards, c'est tout frais. Rire, écarte les petits frères. J'fais du rap sans frère. Son sang, sa peau sont sortis d'usine. C'est le fric et fusil, le fric et fusil. Si on te dit le style de West, c'est quoi? C'est le fric et fusil, le fric et fusil. Faut diffuser dans les villes qu'on a. Le fric et fusil, le fric et fusil. Son sang, c'est pour se sortir d'usine. C'est le fric et fusil. J'ai OST, Ostax, le physicien. Prépare la potion, sauf truc, j'ai plus raison. Alors, quand je pose, pas question. Faire pause, place à l'action. Psychose dans la boîte crânienne. Au bout du crayon, mes textes, des boîtes. La moyenne qui me teste. Ouf, le piment de Cayenne. Ainsi je parais l'MC à la fin d'un règne. Ici, le paraître s'obtient sans les gars que les survivants comme Ken. Parler net, c'est sans gain. Être deep, c'est sans gants. Et si tu flippes, mec, pousse ton gun. Ce sont sa peau, sont sortis d'usine. C'est le fric et fusil, le fric et fusil. Si on te dit le style de West, c'est quoi? C'est le fric et fusil, le fric et fusil. Faut diffuser dans les villes qu'on a. Le fric et fusil, le fric et fusil. Ce sont sa peau, sont sortis d'usine. C'est le fric et fusil. LB n'a pas la maîtrise des viseurs de leur matrice. T'es avisé, je deviens le riseur. À mon arrivée, les MC deviennent confiseurs. Je crée des conflits sous mes grolles. De l'hémoglobine, je te confirme. Ils perdent la boussole. Sur la bobine, le fond mortel me colle à la paume. Alors je gifle la prod, colporte, on est agile. Même un jeu, on fait le show. C'est pas la jungle, pas le zoo. Donc pas de bozo, en blouson Prada. C'est l'explosion dans les gradins, les têtes dans les gravats. Depuis jadis son gravat. OST du son, un renouveau et basta. OST du son, un renouveau et basta.